pour sœur Jean-Paul Bellec, vous étiez d'ailleurs l'un des premiers, sinon l'un des rares à pouvoir véritablement alerter sur ce documentaire qui est donc bien entendu en gestation du côté de Netflix, voilà, pour incarner, ou alors justement incarner le personnage de Cléopâtre, la dernière pharaon d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a cette véritable phobie d'assumer aujourd'hui que celle-ci, cette dernière, serait véritablement noire? Donc c'est un documentaire proposé par la femme de l'acteur bien connu Will Smith, hein, qui s'appelle Jada Pinkett Smith, et dans lequel justement on va présenter Cléopâtre et comme un documentaire. Et l'actrice qui joue le rôle de Cléopâtre, elle est noire. Et apparemment, le fait de l'avoir mis noire, elle est africaine-américaine pour être plus précis, offusque jusqu'aux autorités égyptiennes. Égyptien, tout à fait. Sans compter les lambdas qui ont fait des posts sur le net. Alors la question, c'est quoi? C'est que Cléopâtre ne pouvait pas être noire parce qu'elle est descendante de Ptolémée l'Agide. Qui était Ptolémée l'Agide? C'était un général de Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a été couronné pharaon au nord de l'Égypte parce que c'est un Macédonien lui-même, hein, parce qu'on dit grec, grec, grec. Et il est d'abord macédonien avant d'être grec. Il y a quand même une différence. On ne dit pas macédonien et grec, deux mots différents. Hein. En latin, c'est Lakedaimonii, et c'est même pas macédoine, et ce n'est pas grec. Ils ont un mot pour dire grec, ils ont un mot pour dire macédonien. Bon, donc cette différence est en fait. Donc comme il était macédonien, et on dit que sur 3 siècles presque de présence de ces Macédoniens, parce qu'Alexandre, comme il est parti à la conquête, il ne voulait pas s'arrêter, il est parti en Afghanistan, finalement il est mort en Inde, là-bas. Et c'était un conquérant. Donc il a laissé sur place Ptolémée l'Agide qui fonde dans cette dynastie. Donc c'est Ptolémée qui prend le relais d'Alexandre qui lui a été couronné pharaon. Bon. Deuxième point, c'est que les Lagides ne se mariaient qu'entre eux. Attendez, sur 3 siècles, des gens qui se marient entre eux, c'est des super dégénérés. Avouez-le, Cléopâtre ne pouvait pas être ni joli, ni quoi que ce soit qui puisse plaire à Jules César. S'ils se mariaient vraiment qu'entre eux, elle ne pourrait même pas tenir un langage compréhensible. C'est de la dégénérescence qui s'ensuit. Donc, vous permettez une règle. Voilà. Donc, sur 3 siècles, peut-être sur 10 ans, ok, 2 générations se marient entre eux, mais 3 siècles de suite. Bon, ensuite, nous savons que il y a eu quand même des reines étrangères chez les Lagides, des Assyriennes, des Perses, donc des Égyptiennes, forcément. Alors, donc, il y a une chose qui ne va pas. Donc, j'aimerais, une fois, parce que la conclusion qu'on aimerait que les gens y tirent, ben oui, mais donc, comme c'est une affaire de Grecs, elle est descendante de Grecs. Ils se marient qu'entre eux, elle était donc blanche. C'est le E, elle était donc blanche qui ne va pas déjà. Parce que si elle était donc blanche, on va empêcher qu'elle soit représentée par une noire. Quand bien même, je fais un raisonnement mathématique, parce que c'est à différents niveaux, différents strates. Donc, ok, donc je vais d'abord faire comprendre une chose, que ce soit clair, que européen, à ces époques-là, ne veut pas dire blanc. Il faut qu'on se comprenne. Dire européen ne veut pas dire blanc. Parce que dans ce cas-là, pourquoi l'Égypte étant en Afrique, il faut faire la preuve que l'Égyptien antique était noir. Pourquoi on a apporté la preuve? Attends, Afrique veut dire noir. D'ailleurs, on dit Afrique noire. Donc, pourquoi faut-il, quand il s'agit des Égyptiens anciens, en apporter la preuve? Il y en a même qui poussent le bouchon jusqu'à dire que maintenant, même les Soudanais, là, les Couchites étaient des blancs aussi. Il faut que les Noirs prouvent que les Couchites étaient des Noirs. Attends, mais il n'y a pas de limite. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Cléopâtre, même si elle descendait l'Agide, serait blanche parce qu'elle est de souche européenne? En quoi le fait d'être européen à ces époques signifie qu'on est blanc? Puisque le continent européen n'est pas un continent de souche pour les blancs. L'homme blanc n'est pas né en Europe, nous le savons aujourd'hui. La population blanche, pour être plus précis, n'est pas de souche européenne. La population blanche, nous le savons, n'est pas vieille depuis de 8000 ans. Or, 8000 ans, un Agada. Puisque Nagada est fille de Soudan et Nagada est ancêtre de l'Égypte. Nagada, même, c'est en Égypte. Hein. Nous sommes juste au sud de l'Égypte, là. C'est les plus anciens sites en Égypte. Or, il y a 7000 ans, on a différentes chose qu'on a trouvé à Nagada. Nagada 1, Nagada 2, Nagada 3, bien avant même l'unité la haute, la basse Égypte. Mais nous savons qu'il n'y a pas de population blanche, il y a 8000 ans sur cette planète. Et comment ils peuvent être blancs? Il n'y a pas de population. Comment ils peuvent être métisses? Parce que métissage suppose, dans le cas présent, un mélange de blanc et de noir. Il n'y avait pas de population blanche. Lorsqu'on on bâtit les pyramides, il n'y a aucune population blanche qui est arrivée en Égypte. Puisqu'au Proche-Orient, il n'y a tout pas de blancs. Ils viennent d'où les blancs en Égypte? Ça ne peut être qu'un phénomène très tardif, mais on parlait de la Macédoine. Donc je disais que grec ne veut pas, européen même ne veut pas dire blanc. Non seulement dans l'Antique, la souche blanche est récente, mais elle est entrée en Europe il y a seulement 6000 ans. Et cela au nord de l'Europe. C'est connu. Elle entre dans les pays comme la France et donc la Grèce, encore plus tardivement, il y a seulement 4000 ans. Ben, attendez, il y a 4000 ans, on avait déjà construit les pyramides, puisque les plus vieilles pyramides, ça remonte à plus de 4500 ans, dans le cas de la pyramide de Khoufou, qu'on appelle Khéops. Mais attendez, donc, la Grèce, c'est encore plus tardif, l'arrivée des Blancs. Alors, ok, je vais également citer un papier que les Européens centristes ont tendance à rejeter. Pourtant, c'est un papier et un travail fait par des biologistes moléculaires occidentaux. J'ai dit bien occidentaux, donc en particulier des Espagnols. Voilà. Le titre en anglais, c'est HLA genes in the Macedonian and the Sub-Saharan origin of the Greeks. Traduction française. Les gènes HLA chez les Macédoniens et l'origine subsaharienne des Grecs. Vous avez bien entendu, origine subsaharienne. Pourquoi ces gens-là, et c'est publié dans la revue Tissu Antigène 2001, pourquoi ces gens-là font ces études? Il y a plus de 8 auteurs là, ils sont environ, oui, disons 8 auteurs. Pourquoi ils font cette étude? Parce que la Yougoslavie a été démantelée dans les années 90 et qu'une république dite de Macédoine veut entrer dans l'Europe, la communauté européenne. Or, il faut le consensus. La Grèce s'oppose donc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent. Ça ne les gêne pas que les Macédoniens entrent. La Macédonie étant une ex-république yougoslave. Voilà. Ça ne les gêne pas qu'ils entrent en Europe. Mais ce qui les gêne, c'est qu'ils entrent en Europe avec ce nom de Macédonien. Puisque c'est une propriété grecque, la Macédoine. Le mot pour les Grecs, hein, Macédonien. Et donc les Macédoniens leur font la remarque suivante. Le tombeau de Philippe le Père d'Alexandre le Grand venait juste d'être découvert chez eux en Macédoine. Bon, il est vrai que les Macédoniens d'aujourd'hui ne parlent pas le grec. Non, ont-ils même parlé grec une fois? Vous vous souvenez ce que j'ai dit au début pour faire la différence entre Macédonien et grec? Ont-ils parlé grec une fois? Alors, donc ils parlent une langue qui est proche du slave. Donc voilà pourquoi des gens veulent maintenant faire une étude pour savoir si les Macédoniens, même si leur langue n'est pas grecque, sont quand même de souche grecque. Vous comprenez? D'où l'étude. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, bon là, ce qu'on voit sur l'écran actuellement, c'est un faux buste. Hein. Ça, c'est le faux buste de Nefertiti qui se trouve à Berlin. C'est un faux. Donc il faut bien savoir ça. Il y a des faux qu'on voit en Égypte. Voilà. Donc c'est pas Cléopâtre, mais ça, c'est un faux. On sait. C'est Borchardt qui a fait faire le faux. C'est le soi-disant égyptologue allemand. Bon, alors, donc, l'étude est faite. On compare donc les Grecs et les Macédoniens. Parce qu'un peuple peut très bien être de souche. Par exemple, il y a des Antillais, ils parlent le créole. Il y a même d'autres Noirs qui parlent carrément le français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, non, ils sont pas de souche africaine. Les Africains américains, ils ne parlent pas de langue africaine. Ils parlent plutôt l'anglais. Mais ils sont quand même de souche africaine. Voilà. Donc, on regarde et on voit que, effectivement, sur le plan génétique, d'où, en étudiant le système des gènes HLA, que les Grecs et les Macédoniens ne sont pas apparentés. Alors, si les Grecs et les Macédoniens ne sont pas apparentés, est-ce que les Macédoniens sont apparentés aux voisins? Alors, on pousse dans l'étude au niveau des voisins, et on se rend compte que les Macédoniens sont apparentés aux voisins. Mais les Grecs ne sont pas apparentés aux voisins. Ben, s'ils ne sont pas apparentés aux voisins, c'est quand même les Européens. En étant l'étude à toute l'Europe, les Grecs ne sont toujours pas apparentés aux Européens. Donc, c'est une population peut-être d'ailleurs exogène, voilà, quel que soit ce qu'on a dit dans l'histoire. Donc on étend l'étude à tout le monde entier et c'est là qu'on découvre que les Grecs sont apparentés aux Africains. Je cite les Sérères, les Wolofs, les Oromo, les Bambara, les Éthiopiens de toutes sortes, dont les Oromo en particulier, et voilà à qui, et même d'autres peuples qu'on appelle le Bantou, voilà à quoi les Grecs sont apparentés. Ils ont l'aspect blanc mais ils ne sont pas blancs en réalité. Alors, donc je signale également que la Grèce, à savoir par exemple les Crétois, les Mycéniens, ils ont été quand même civilisés par les Égyptiens. Donc le sang noir est passé en Égypte. D'ailleurs, dans cette étude, ils font cette hypothèse-là, que peut-être que le sang noir est passé en Grèce plutôt. Que le sang noir est passé en Grèce peut-être à l'époque de l'Égypte ancienne, justement. Donc ça veut dire que ça confirme la thèse de chez Kanta Diop. Puisque s'ils ont le sang Wolof, et qu'on parle d'Égypte ancienne, c'est que le sang Wolof existait déjà en Égypte ancienne. Bon, ok, alors autre chose que j'aimerais dire, dans cette circonstance-là, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas le portrait de Cléopâtre, bon, on nous dit qu'il y a des pièces de monnaie, on voit le portrait de Cléopâtre. Bon, d'abord, si on voit le portrait de Cléopâtre dans une pièce de monnaie, il faudrait que son nom y figure également. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, quand on a un buste d'Égyptien devant soi, on voit Toutankhamon, noir de la tête jusqu'aux pieds. Grandeur nature. Mais c'est pas un noir qu'on voit. Pourquoi on veut nous faire croire que c'est un blanc alors que ça se voit que c'est un noir? Pourquoi c'est un jeu autour? Si on admet que Toutankhamon était tout noir, pourquoi est-ce l'enjeu autour de Cléopâtre? Il faut bien comprendre ce que je viens de dire. Je dis, hein. Ceux qui disent que ce sont des Égyptiens qui défendent cela, s'ils disent que Cléopâtre, on a des pièces de Cléopâtre, les antiquités égyptiennes même, le gouvernement égyptien, donc à travers eux, ils ont des pièces où on voit Cléopâtre. Le visage de Cléopâtre. Donc elle a le type hellénistique, c'est ce qu'ils disent. Tout à fait. Voilà, elle a le type hellénistique, donc elle est blanche, elle est donc européenne. Je dis, lorsque maintenant je vois, bon pas elle, c'est un faux buste, je vois un Égyptien là, je vois un Tintel, par exemple la Reine Tilly. Je vois Toutankhamon, je vois Akhenaton, n'importe le Djéhoutimès III. Bon, Djéhoutimès, c'est le vrai nom égyptien. Même les noms, ils changent. Toutmès III, Toutmosis III. Je regarde. Mais ça se voit d'armer même. C'est un Africain que je vois, ça se voit, non? Mais c'est encore plus flagrant que la pièce de monnaie, qui je ne sais même pas si c'est l'authentique. Mais pourquoi je vois Toutankhamon noir avec des traits d'Africain? Regardez par exemple ce qu'on voit là. On veut me faire croire que ce n'est pas un Africain, alors que c'est clair que c'est un Africain et que ça se passe en Afrique. Mais Cléopâtre, si on te montre une pièce de monnaie, on ne sait même pas d'où elle sort. Parce que comment elle a fabriqué la pièce de monnaie? C'est en Égypte, c'est pas en Grèce. Mais les mêmes gens vont vous dire que les pièces de monnaie n'avaient pas cours en Afrique et que les pièces de monnaie avaient plutôt cours en Europe. Alors il faut savoir ce qu'on veut, il faut choisir. Cette pièce de monnaie, elle a été frappée à Rome. Ok, admettons, elle a été frappée à Rome comme elle a eu des relations avec César. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je. Alors autre chose. Si cela si cette vignette est recevable, dans ce cas-là, les mêmes gens, ils auraient. En fait, le problème, c'est la couleur, tu as compris. C'est qu'il ne faut pas que l'Afrique retrouve son histoire, jusqu'à remonter aux ancêtres et plus lointains. Oui. Ok, dans ce cas-là, parce que c'est pour bloquer la renaissance africaine, pour bloquer ce qui pourrait unir les Africains jusqu'aux États-Unis même. Voilà. Bon, alors, donc dépasser ce problème que certains mettent comme une barrière, que les Africains auraient vendu des Africains. Et c'est vrai, si on a une unité que tout le monde reconnaît au niveau de l'Égypte ancienne, mais c'est fédérateur. Oui. Et puis c'est notre culture. Moi, quand je lis les textes en hiéroglyphe, ça sonne en moi. Quand je dis Maat Ambassa, c'est Maat aussi en égyptien ancien. Et je comprends ce que ça veut dire. Les Européens ne comprennent pas. Tous les livres qu'ils ont et qui sont nuls, les noms d'avenus, aucun ne signifie ce que ça veut dire. Ok? Ils en sont là. Mais je vais dire plus, y compris sur les mathématiques. Mais peut-être dans un autre tour de parole. Parce que je crois qu'on aura juste un tour de parole. Parce qu'il y a une grande édition juste après nous. Ok, je chute alors. Donc, je veux dire que les mêmes gens, comme ils ont ce problème racial, ils en sont maintenant à dire que, enfin ils ont toujours dit d'ailleurs, que la seule dynastie noire, reconnue noire en Égypte, c'est la 25e dynastie, qui a fait près de 100 ans en Égypte. Et ils viennent parce qu'ils sentent que l'Égypte est faillie. Non. Contrairement à Alexandre le Grand, ce sont les prêtres de Thèbes qui ont appelé les gens de Kouch pour venir libérer l'Égypte de quoi? De la barbarie libyenne qui sévissait au nord. Ça fait qu'il y a deux siècles d'occupation libyenne au nord, on en avait mal aux barbaries. Donc, Et puis ils ont une identité de culture. La culture grecque est bien différente de la culture égyptienne, mais la culture égyptienne n'est pas différente de la culture soudanaise et donc aussi du reste de l'Afrique. Alors, donc si cette civilisation-là, on dit que ça c'est la seule dynastie noire, donc ça c'est les pharaons noirs. Mais Cléopâtre, c'est les blanches. Moi je fais les maths, hein, c'est les blanches. Pourquoi on ne dit pas que les Ptolémées sont les pharaons blancs? Non. Moi je fais les maths. C'est-à-dire que ok, elle est blanche, j'accepte. Ok, elle est blanche. Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas les pharaons blancs? Puisqu'elle est blanche. On dit les pharaons noirs. Dans les autres pharaons qui sont qui ne proviennent pas de Kouch ou qui ne viennent pas de Ptolémée, ils sont quoi alors? Il faut dire, en Afrique, ils sont quoi? Attends, l'homme serait sorti d'Afrique noir, il aurait peuplé le reste du monde noir, il s'est resté noir pendant longtemps, mais c'est quitter s'arrêter en Égypte qui nous a dépassés alors qu'on est sorti. Vous comprenez l'idiotie? Alors au niveau mathématique, sans les Égyptiens là, donc ça ne gêne, je parle de gouvernement égyptien, donc ça ne gêne pas de dire que Une africaine-américaine ne peut pas gagner son argent en jouant Cléopâtre. En fait, ça veut dire ça. Soyez au chômage. Pourquoi eux, en tant qu'arabes, ils font le blackface quand il s'agit de Antar? Antar était bien un noir, non? Même en Arabie, c'est reconnu quand même. Pourquoi ils font le blackface quand il s'agit de Antar? Pourquoi ils font le blackface? Pourquoi ils mettent un arabe blanc et ils se maquillent? Ça veut dire que ces gens-là sont tellement mauvais et méchants avec nous. Il faut le comprendre qu'un acteur, même à ce niveau-là, n'a pas le droit de gagner sa vie. C'est ça veut dire. Parce que le rameau de travail, dont le travail c'est pour les blancs. Ouais. C'est que même si c'était une question de Cléopâtre et blanc, comprenez que ça va jusqu'à ce niveau-là. Ok? Alors, ok, ces blancs-là. Pourquoi eux, les Égyptiens blancs-là, blancs, parce qu'ils sont blancs, puisqu'ils ne veulent pas que le noir s'identifie à eux, eux sont blancs. Pourquoi ils sont incapables de défendre la culture égyptienne? D'ailleurs, je me souviens que lors de la découverte de Toutankhamon, c'est les noirs qui étaient là. C'est les noirs qui dirigeaient les Européens au niveau des fouilles. C'est les noirs qui étaient fiers de la culture égyptienne ancienne. Ce n'étaient pas les blancs là qui font seulement des gold diggers. C'est-à-dire que des gens qui ont trouvé maintenant que le tourisme ça rapporte, et voilà, maintenant ils vivent sur l'Égypte, c'est la situation égyptienne antique. Ils ne la reconnaissent jamais. Le pharaon était maudit en islam, tout comme dans le christianisme d'ailleurs. Ils ne se reconnaissaient pas. Comment ça se fait que maintenant ils y trouvent un intérêt? Okay? Alors admettons, pourquoi le professeur Gamal, lorsqu'il y a eu le colloque du Caire en 1974, où Cheikh Anta Diop est au fil de Menga au dessus, et c'est écrit dans le rapport de l'ONU, de l'UNESCO. Faut dire ça pour Gala. Non, faut dire ça pour Gala. Si, allons-y, prof, rapidement. Il a tardé à ce sujet-là, tant pis pour lui. Mais comme le temps est limité, président, parce que là, on va bientôt m'occuper. Voilà. Alors, je disais donc que ce rapport, pourquoi le professeur Gamal Mokhtar, qui connaissait bien chez Cheikh Anta Diop d'ailleurs, pourquoi il n'a pas fait ce que fait Zahir Awas aujourd'hui, à dire que les Africains n'ont rien à voir avec l'élite ancienne, il ne faut pas qu'ils s'en occupent. Mais les Japonais peuvent s'en occuper, les Turcs peuvent s'en occuper, pas les Africains du reste du continent. Pourquoi il n'a pas fait? Il était bien, il était bien armé en tant qu'égyptologue égyptien. Pourquoi il n'a pas fait cette politique? Alors, pourquoi les Égyptiens là, qui ne veulent pas que les Noirs s'identifient, pourquoi ils ne défendent pas la culture égyptienne ancienne? Lorsqu'on dit que c'est les Indiens qui ont inventé le zéro, et que c'est les Arabes qui véhiculent ça en Europe, pourquoi où sont les Égyptiens pour défendre l'Égypte? Puisque nous savons que les premiers à écrire le zéro, c'est l'Égypte ancienne. Papyrus Boulak 18. Ok? On a bien le zéro, c'est Néferou. Et c'est écrit Néferou. On a le symbole du zéro. Ok? Donc pourquoi? D'ailleurs, Néferou donne Zéphirou 12 zéro. Hein? Les Indiens, là, dont on prétend, là, ils appellent Sunya, le vide. Ils sont restés bloqués au niveau de. On laisse un vide pour représenter le zéro. Mais le premier a écrit le zéro. Et là, nous sommes là au 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a. Brahmagupta. Brahmagupta, là. Celui qui, soi-disant, là, il a écrit le zéro. Brahmagupta. Ça, c'est le 6e siècle après Jésus-Christ. Donc, entre le 13e siècle, il y a presque 2000 ans qui séparent, là. Le 6e après Jésus-Christ. Donc, ils ont écrit le zéro avant. Pourquoi? Où sont les 16 Égyptiens, là, pour défendre l'Égypte à ce moment-là? Ils sont où? Ils sont pas là parce que c'est pas leur culture. Ok? Donc, je pourrais en dire plus. Mais comme je ne veux pas non plus mon opposé la parole et que vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire derrière, mais en résumé, les Africains américains ne sont pas dans leur tort. J'aimerais qu'on me donne un seul exemple où les Africains ont réclamé quelque chose qui n'est pas d'eux. Mais nous savons ce qu'on a fait à l'Afrique. On a pris les terres. D'abord, mes copains, pour ça, on a pris les terres. Hein, ils ont été en Amérique, ils ont volé le territoire. Les Arabes même, ces Arabes, celles qu'on les appelle les peaux claires là, pas les Arabes, les authentiques, parce que d'abord ils ont usurpé même le nom arabe. Parce que l'arabe, le vrai arabe, c'est noir, en Arabie. Maintenant, ils viennent en Afrique, c'est pas la terre qu'ils sont venus voler. Hein? Qui, en Australie, qui est-ce qui passe son temps à prendre aux autres et les richesses? On a encore aujourd'hui là, que ce soit à RDC, au Congo, en Centrafrique. Qui est-ce qui vole à qui? Comme on donne un seul exemple où des noirs ont volé à un blanc quelque chose qui lui appartenait. Je veux un exemple. Je ne parle pas d'individu, je parle en tant que peuple, de peuple à peuple, de nation à nation. Quand est-ce qu'une nation noire a volé même un bien culturel? Eux, ils en ont bien culturel. Regardez même les bon, pas ce buste-là, mais tous les objets, même jusqu'à l'obélisque de la Concorde en France, ça vient d'où? Eux, ils ont notre patrimoine culturel. Mais j'aimerais qu'on nous montre un seul exemple de patrimoine culturel européen que les Africains auraient volé. Les Africains noirs ont chez eux. Ça ne s'est jamais fait. Ça veut dire que je chute. L'Afrique ne réclame, y compris les Africains américains, que ce qui lui revient de droit. Merci. Voilà. Merci à vous, professeur Jean, pour le bel écran. Afrique Média, le monde, c'est nous.